lundi à CNX.zip. On compresse les chroniques CNX de la semaine du 9 novembre avec entrevues, le fil et vous, la technologie et vous. Tout ça en plus de musique de jeux vidéo à CNX.zip, émission la plus geek de la radio, lundi 10h à C'est fou! Dash.com